Radio Libertaire 89.5, l'invité quotidien de 20h à 22h. Bonsoir tout le monde, l'invité ce soir pour la quatrième fois. Pour ce qui concerne l'invité quotidien, c'est Henri Laborie. Bonsoir Henri Laborie. Bonsoir. Henri Laborie, ce soir, le thème de cette émission, c'est votre livre « Copernic n'y a pas changé grand-chose ». Qu'est-ce que veut dire ce titre un peu abscon lorsqu'on n'a pas lu le livre ? Bon, il veut dire simplement que le premier titre choisi ne pouvait pas, n'a pas plu à l'éditeur, qu'il l'a trouvé un peu trop osé. J'avais l'intention effectivement de l'appeler « De mes couilles au cosmos ». De mes couilles au cosmos, oui. Non, c'est ce qui veut dire, la question qui se posait à moi, c'était qu'est-ce qui pousse un individu avec ce qu'on appelle sa libido, c'est-à-dire son pulsion besoin sexuelle, de vivre, oui. Non pas simplement la partie sexuelle, mais le besoin de vivre, qu'est-ce qui le rejoint aux galaxies, aux trous noirs, aux étoiles naines, aux rouges. Il y a un trou considérable et ça pose problème à tout homme un peu conscient de ce qu'il est. Nous sommes rien, on est perdu dans un monde absolument immense et j'ai essayé d'en donner une approche, mais je n'y suis pas parvenu. Et à la fin, Copernic, j'ai pris comme qui est la dernière phrase du livre, le monde tourne en rond, voilà. Et Copernic n'y a pas changé grand-chose. Copernic nous a expliqué que la Terre le Soleil ne tournait pas autour de la Terre. Il a fallu un certain nombre d'années quand même pour y arriver à ça. Bon. Et puis, bien qu'on le sache, rien n'a changé. C'est toujours le Soleil qui tourne autour de la Terre, qui se lève le matin, qui descend le soir, etc. Et c'est ça, l'idée, la suite, l'idée là. Est-ce que Copernic n'y a pas changé grand-chose et est l'œuvre d'un pornographe, Henri Laborie ? Ben, je doute un chapitre sur ce que peut être la pornographie. Et je pense qu'elle n'existe qu'en rapport avec l'interdiction qu'on a de parler du sexe. Et mon Dieu, c'est pas parler du sexe qui est intéressant. C'est de montrer pourquoi la pornographie est interdite et pour quels sont les modes d'interdiction et pourquoi elle a été interdite. En résumé. Mais je ne suis pas, si vous voulez, je ne pense pas que ce soit un bouquin pornographique, encore que franchement, moi non plus. Bon, et que la première rédaction, quand je présentais à des amis, sûr, on dit, tu sais, si tu publies un bouquin comme ça, j'ai resté 2 ans sur ma table. Je n'ai pas écrit pour le publier, je l'ai écrit parce que ça m'intéressait, ça m'amusait d'écrire et d'essayer de voir jusqu'où on pouvait aller dans le discours libre, dans les associations libres. C'est très, très psychanalytique, si vous voulez. Et on y reviendra à la psychanalyse. Non, ils m'ont dit, écoute, tu peux te retirer à la campagne et cultiver des choux, puisque je suis vendéen. Mais donc personne ne te croira plus si tu le publies comme ça. Alors je l'ai laissé sur ma table, je n'ai pas l'intention de le publier. Et puis, il y a des idées quand même là-dedans qui m'amusaient. Et je voulais voir quand même la réaction d'un certain nombre de mes contemporains à ces absurdités, finalement. Et alors j'ai corrigé, j'ai enlevé ce qui pouvait être choquant, parce qu'écrit par un chirurgien qui connaît l'anatomie, il l'a même étudié pendant de nombreuses années, et qui peut être choquant pour le non-initié à l'anatomie féminine et masculine. Oui, quand on parle d'amour, on ne parle pas de clitoris. Voilà. C'est vrai, l'amour, c'est en dehors du clitoris, ça n'existe pas. C'est bien connu. Et je l'ai repris, et je l'ai proposé à Lafont, qui a été très content de le prendre, d'ailleurs, je veux dire, mais qui n'a pas voulu garder le titre, et qui m'a dit, on prendra la dernière phrase du livre, Copernic n'a pas changé grand-chose. Voilà. Avec un titre pareil, De mes couilles au cosmos, votre accession au Collège de France, là c'était fichu. Oh, mais je n'ai pas du tout l'intention, c'est même un peu tard maintenant, vous savez, la limite d'âge est de 70 ans. Alors, je n'ai aucune intention de rentrer au Collège de France. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je ne fais aucun effort. Il tenait beaucoup à le préciser. Pour maintenir une opinion des cercles officiels sur moi qui soit favorable. Donc, en édulcorant un peu votre livre, vous n'avez pas vraiment obtenu non plus un livre de poésie, véritablement, ou seulement de poésie. Et pourtant, je voudrais tout de suite en prendre un petit morceau, un petit florilège, et le livrer aux auditeurs. Ô merde, chaud parfum s'échappant de mon corps, excrément qui me lie à tous les autres hommes, te perdre me libère et te garder ma somme, je ne vis que par toi qui gouverne mon sort. L'enfant qui fait plaisir par son joli caca sait bien te retenir quand d'habitude il donne, montrant son déplaisir à la maman pas bonne qui le menace alors de prévenir papa. Ainsi, autour de toi, dès les tout premiers jours, s'organisent l'amour, la peine et la tendresse, et chez l'adulte, enfin, le manque de caresses fera des constipés par vengeance d'amour. Sigmund Freud. Sigmund Freud, soi-même. Je ne veux pas quand même... Non, je me suis amusé dans ce livre à montrer que tout discours logique aboutit à l'absurde. J'ai pris les grands discours logiques de tout homme contemporain. Ils y passent tous, quel que soit le sujet. Et je montre qu'un discours logique ne peut aboutir qu'à... Je prends un exemple. Il y en a plusieurs, dans tous, d'ailleurs. Mais il y en a un qui est frappant, je trouve. Parce qu'on nous dit, il faut repeupler la France. Nous sommes actuellement en baisse démographique. En baisse démographique, en chute démographique, et il y aura bientôt plus suffisamment d'adultes pour payer la retraite des vieux. Alors évidemment, les vieux commencent à se sentir angoissés, et comme il y a une population qui vieillit de plus en plus, parce qu'on prolonge la vie humaine par des méthodes épidémiologiques d'ailleurs, et qu'on atteint d'ailleurs le sommet. Actuellement, ça commence à redégringoler uniquement parce que la vie devient de plus en plus impossible. Bon, enfin... Le fait d'avoir supprimé les grandes endémies, la peste, la variole, etc., font que les gens vivent plus vieux. Il reste encore la politique, mais... Oui, c'est encore une maladie dont nous ne sommes pas débarrassés. Et donc, évidemment, ça semble parfaitement logique. S'il n'y a plus d'adultes, donc d'enfants, il n'y aura plus suffisamment d'hommes producteurs pour payer la retraite des vieux. Seulement, ce qu'on ne dit pas, c'est que plus on fait d'adultes, plus on fait d'enfants, plus on fait d'adultes, mais plus on fait d'adultes, plus on fait de vieillards. Donc il faudra faire l'amour de plus en plus pour arriver à payer la retraite des vieux. Et on se demande quelle sera la limite. Alors, à un certain moment, d'ailleurs, on imaginera des moyens, avec les masses médias dont vous faites partie, d'ailleurs, pour expliquer que il vaut mieux quand même diminuer la reproduction. Et alors on augmentera, de même qu'on augmente les allocations familiales, on les diminuera. On fera tout un programme sur la contraception, etc. Alors qu'actuellement, au contraire, c'est un danger. Et finalement, on voit très bien un couple d'amoureux qui se mettent au lit en disant « Est-ce qu'on augmente nos allocations familiales ce soir ou est-ce qu'on ne les augmente pas ?» Et l'amour est la chose qui transcende l'homme tout de même. Alors quand on ramène cette notion d'amour à des choses aussi triviales que celle de payer la retraite des vieux ou de se défendre contre l'envahissement du Maghreb ou des pays sous-développés qui vont envahir bientôt, on l'a entendu ces jours-ci, qui vont envahir ce pays qui n'aura plus d'enfants, on se dit que vraiment des concepts comme ceux-là sont d'une bêtise mais révoltante. Et l'amour lui-même n'est pas trivial ? Je m'ai déjà posé la question sur l'amour, on ne va pas y revenir. Je vous l'ai dit dans une précédente émission. Vous ne voulez quand même pas nous faire croire qu'on y échappe, puisque le thème, enfin le schéma de Copernic n'y a pas changé grand-chose. C'est une nuit d'amour qui ne se passe pas forcément en Chine, mais qui... Enfin, je ne vais pas anticiper, on dira à quoi elle aboutit. Cependant, cette nuit d'amour permet à... je dirais pas à l'auteur, mais je dirais à son personnage principal, puisqu'il y en a deux, de fortes digressions. Et d'ailleurs, on a beaucoup de mal lorsqu'on aborde le livre. Je suis assez embêté pour vous brancher sur tel ou tel sujet, puisque je ne me souviens même plus où ça démarre. Je me souviens vaguement où ça atterrit. C'est fait exprès. L'association libre est ça. C'est quand vous êtes dans votre puma et que vous fumez une cigarette et que vous rêvez, les idées, les images, les concepts s'enchaînent. Et c'est ça ce que je me suis amusé à faire. J'ai essayé d'enchaîner les concepts en allant d'un à l'autre, en revenant au précédent, et sans qu'il y ait un... Et ça gênait d'ailleurs l'éditeur, il voulait des chapitres. Alors finalement, on a fait des petites divisions. Mais il n'y a pas de chapitre dans un livre comme ça. C'est une nuit pendant laquelle un type rêve. Hein, il fait l'amour, bien sûr. Mais je crois que ce qui est gênant, c'est qu'on veut séparer l'amour sexuel de l'amour mythique, l'amour idéal. Celui qui est majuscule. Mais alors, ça se mélange d'une façon tellement intime qu'on ne peut pas les séparer. Ce sont deux choses qui vont ensemble. Radio Libertaire, téléphone 262 90 51. Bori, est-ce qu'on peut dire que Copernic n'y a pas changé grand-chose, a pour fondement, sans jeu de mots, la solitude? Mais la solitude de tout homme et toute femme, et je le dis d'ailleurs, j'ai dit souvent, mais je dois le dire aussi là-dedans, je ne me souviens plus, je ne l'ai pas lu depuis que j'ai écrit, vous savez, je ne lis pas mes livres, hein, ça c'est autre chose à faire. Ah, vous m'étonnez. Ah non. Et... Je veux dire que à partir du moment où un enfant a fait son schéma corporel, c'est-à-dire qu'il a limité, il s'est limité à sa peau. Il a vu que le monde qui l'environnait n'était pas lui. On en a parlé dès les premières expéditions. 10 mois à peu près, 8-10 mois, enfin. Ouh, oui, beaucoup plus tard. Vous ne vous souvenez pas avant 2 ans. Donc avant 2 ans, vous n'étiez pas conscient. Donc vous ne saviez pas que vous étiez dans un monde différent. Puis à partir du moment où vous en apercevez, vous êtes seul dans votre peau jusqu'à la mort. Alors évidemment, c'est tout homme est solitaire. Alors il essaie de trouver l'autre, et ça c'est le narcissisme primaire, c'est-à-dire qu'il essaie de trouver l'autre, puis il ne trouve jamais que lui. Et c'est Narcisse se penchant sur un ruisseau, il voit son visage, puis il peut y avoir des femmes avec des seins nus, des nymphes et des naïades, et ça n'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est retrouver lui-même, et puis il ne retrouve que lui-même, il peut pas trouver dans l'autre l'équivalent de ce qu'il est. Alors c'est ça la solitude, c'est vrai. Alors, est-ce que la recherche de l'autre, c'est la recherche de soi. De soi, c'est-à-dire de cette origine où nous étions tout, parce que nous n'avions pas encore pris conscience. C'est-à-dire qu'on essaie de faire rentrer l'autre dans ce domaine qui... Le moi indivis. Voilà. Le moi qui n'est pas divisé, qui est le moi tout. Enfin, alors, lorsqu'on est à deux avec des sentiments amoureux comme dans Copernic, n'y a pas changé grand-chose. Alors je le dis aussi, il y a quelques moments dans la sexualité d'ailleurs où ils sont rares dans une vie humaine où on a l'impression effectivement qu'on n'est plus seul et on n'est plus soi, on n'est plus individu, on est autre chose, on est... Mais c'est pas fréquent, il s'agit pas de faire l'amour, simplement, c'est autre chose. Quand on fait l'amour, bien sûr, mais ce sont des moments absolument uniques, et quand on les a trouvés, on veut les retrouver, c'est ça qui est dramatique. On se demande si on ne veut pas le faire avec d'autres, on peut retrouver les mêmes éléments avec d'autres, puis on multiplie les expériences, et puis finalement, on s'aperçoit que c'est exceptionnel. C'est réservé au domaine sexuel ? Selon vous ? Comme je ne suis pas homosexuel, je pense que quand même que l'accouplement est quelque chose qui permet cette unité avec l'autre. Alors, rappelons bien que l'accouplement, c'est l'un des trois seuls véritables instincts, avec la faim et la soif. Oui, enfin, l'accouplement, c'est la motivation. Actuellement, la faim et la soif, dans nos pays du moins... On arrive à les assouvir, alors que l'instinct, l'instinct sexuel, il est châtré dès le départ. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais je pense qu'un homosexuel peut très bien trouver l'amour de la même façon avec quelqu'un de son sexe. C'est pas lié à l'hétérosexualité, je pense. Mais effectivement, pour un hétérosexuel, comme vous et moi, je suppose, C'est dans cet accouplement hétérosexuel qu'on arrive quelquefois à trouver cette chose absolument étonnante. Vous répondez pas vraiment. Enfin, on y arrive par ce moyen-là, mais est-ce le seul ? Je crois que c'est le seul, oui. Parce que j'ai quand même une pensée attendrie, hein, pas seulement attendrie, mais pour Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, quand même. Et alors, qu'est-ce que... Qui se sont unis intellectuellement sans vivre l'un avec l'autre. Ah, non, mais non, mais non, mais non, mais bien sûr. Non, il y a l'acte sexuel n'est qu'un élément du problème de communion, dirais-je. De mise en commun. Mais je pense qu'il est indispensable. Maintenant, ce n'est pas le seul élément. Il faut autre chose. Et c'est autre chose, alors là... Mais vous savez... Les mystiques, les grands mystiques, n'ont pas eu besoin de s'accoupler. Oui, Sainte-Thérèse d'Avila avait des crises d'orgasme qui n'étaient pas piquées des vers, oui. Mais oui. Non, mais alors là, là aussi, il faut se méfier. On a voulu trivialiser un certain nombre de comportements mystiques. Actuellement, il y a des mystiques contemporains qui ne sont absolument pas religieux, dans le sens de la religion, qui n'ont rien à voir avec Thérèse d'Avila ou Saint-Jean de la Croix, et qui, cependant, ont cet accouplement avec le cosmos. Copernic n'a pas changé grand-chose, c'est ça. Et quelquefois, on peut avoir quelque chose d'approchant, mais moi, je ne suis pas mystique, je le regrette, d'ailleurs, j'aurais aimé l'être, d'avoir cette impression d'être l'univers. Faire partie d'un ensemble. Voilà. Alors, on le trouve quelquefois en mer, par une nuit étoilée, quand on n'a pas à se bagarrer avec les éléments, quand on sait qu'il y a 3000 mètres de fond au-dessus de vous, puis qu'on est seul. Il y a quelquefois cette espèce de... On voit les étoiles, puis on se dit, qu'est-ce que je suis là-dedans? Et je ne l'ai jamais atteint, si vous voulez, je le sais. Mais je comprends les grands mystiques dans cette réalisation de se mélanger au tout. On me dirait, ça va... Dans quelques instants, on va parler des mages indiens, etc. Je ne pense pas que ce soit... une disparition de la pensée... De la conscience. Mais un mélange, une harmonisation de la conscience avec la conscience universelle, avec quelque chose d'universel. Voilà. Et j'allais dire une conscience... Et c'est vrai, on en a parlé aussi récemment. Et ça, ça n'a pas d'explication scientifique, mais ça ne peut pas être nié non plus. Alors, tout naturellement, on en arrive à parler de la poésie et du rôle, s'il en a un, du poète... Non, j'ai une vingtaine de pages là-dessus, sur la poésie. Et je dois dire que... Alors il y a un problème de forme et de fond. Oui, il y a une... on s'appelle une revue, j'appelle Poéma ou un nom comme ça. Hein? Poémonde. Et dont le directeur m'avait écrit un jour, il m'avait lu, il m'avait demandé un article. Oh, du nom, je n'ai pas le temps, tiens bon. Bien bonjour, je lui ai envoyé une partie de ce que j'ai écrit dans Copernic, en disant, ce n'est pas encore publié. À l'époque, je ne voulais pas le publier. Je lui ai dit, je ne le publierai pas. Mais voilà une partie concernant la poésie, est-ce que vous êtes capable de l'éditer? Je suis là-dedans, alors il y avait tous les poèmes. Il y a d'excellents poètes, d'ailleurs, faut pas... Mais il y en a, c'est toujours l'amour, toujours, etc., la fleur bleue, etc. Bon. Et il n'a pas hésité à sortir ce truc-là où il y avait... Le poème sur la merde, enfin. Et puis on a un autre que j'ai une parodie de Musset, en citant Musset et en faisant la parodie de Musset. Bon, et il l'a fait. Il n'y a pas eu de réaction, d'ailleurs violente. Ce que je crois, c'est que ce qu'on appelle le poète est un monsieur qui est mal dans sa peau, mais il ne sait pas pourquoi. Il est en inhibition de l'action, il ne sait pas pourquoi. Le monde dans lequel il vit, il ne peut pas le supporter. La poésie n'est pas action. Mais justement, c'est la crise hystérique. Et j'ai beaucoup d'admiration pour les hystériques. D'ailleurs, je vis avec eux, et ils vivent avec moi, enfin, tout de même. Quand on ne peut pas exprimer, c'est que les autres ne vous écoutent pas. On écrit. Alors, de deux choses l'une, ou ce que vous écrivez est compréhensible par les autres, et vous arrivez à ce moment-là, par un moyen de communication, compris par tout le monde, à vous faire... le porte-parole de ce que les autres ne savent pas exprimer, bravo, c'est les grands poètes. Hein? et j'en connais par cœur. Je peux rester 3 heures ici à vous réciter des poèmes. Donc Dieu sait si j'en ai écrit moi-même. J'ai des quantités, j'en ai des tonnes de vers que j'ai pu écrire à l'époque où vous êtes autre chose. Vous êtes l'auteur de la parodie de Musset ? Bien sûr. Parce que si Musset écrivait « Poète, c'est assez auprès d'une infidèle quand ton illusion n'aurait duré qu'un jour », n'outrage pas ce jour lorsque tu mais parles ça, d'elle. Musset. Oui, mais vous, vous rajoutez, vous parodiez, vous dites « Oh, poète cocu, écoute la raison, ta nana gratifiante a quitté la maison. L'idéal de ton moi, tu voudrais tant qu'il plaise, mais hélas, ce n'est pas cet idéal qui baise. Ça te fera les pieds, cher poète cocu, car nul ne se connaît tant qu'il n'a pas vécu. » Et vous rajoutez « Et bla, bla, bla. » Alors, y a un problème de forme et de fond, c'est-à-dire que... C'est un bon exemple parce que dans les deux, dans Musset et dans votre parodie, il y a exactement le même contenu sémantique. Le même sémantique. Seulement, les deux formes sont assez différentes, ce qui fait que le premier, Musset, a droit, lui, à l'étiquette poésie, tandis que dans le second, même s'il y a la rime et... Du point de vue prosodie, j'ai fait suffisamment de vers, c'est irréprochable. Ça. Il y a un vers auquel il manque un pied. Ah non. Il n'en a que 11. Ça m'étonnerait. Je compte pas sur mes doigts, Marc. Enfin, je sais, il y a le dactylographe compte sur leurs doigts. Ta nana gratifiante a quitté la maison. Non, il y en a 12. Ah, mais non, parce que vous dites... C'est pas celui-là. Ah non, sûrement pas. Il est juste. Ils sont bons, ils sont tous bons. Bon, bref. Oui. Bon, dans la forme, c'est pour l'important. Dans la forme, c'est parfait, mais alors, il manque ce je ne sais quoi, comme vous ajoutez qu'un peu d'humour, il manque ce je ne sais quoi qui fait que ça n'a pas le droit au titre de poésie. Bah voilà. Et alors, on en revient à la question initiale. Qu'est-ce que la poésie ? Alors, j'avais commencé à vous dire que quand on s'exprime en un langage cohérent comme celui de Musset, par exemple, vous pouvez être le porte-parole, finalement, d'un tas de gens qui n'ont pas la possibilité de le faire. Et puis, il y a des moments où ce que vous avez à dire, vous ne savez pas vous-même ce que vous avez à dire. C'est pas clair. Et là, vous écrivez des choses strictement incompréhensibles, mais on dit c'est génial. Alors là, moi, je veux bien. Mais c'est thérapeutique, c'est une thérapeutique excellente pour le type qui écrit. Parce que finalement, comme vous le disiez tout à l'heure, on a parlé de l'inhibition de l'action les fois précédentes, c'est une façon d'agir. Et alors, en plus, s'il arrive à se faire éditer, en général, il se fait éditer à compte d'auteur. Et je dis d'ailleurs, au moins, tout n'est pas perdu, parce que l'éditeur lui-même n'y perdra pas, c'est déjà quelque chose. Bien. Mais il s'est fait plaisir en exprimant dans un langage incompréhensible pour les autres, ce que lui-même ne sait pas. Alors, dans ce cas-là, comme thérapeutique du poète, de la névrose du poète, et je ne veux pas lui en vouloir, hein, parce que ne pas être névrosé dans les cultures, enfin, les civilisations comme les nôtres, c'est vraiment, il faut mettre du sien. Donc on ne peut pas lui en vouloir. Mais qu'à ce moment-là, il ait besoin de l'approbation des autres, c'est là où ça devient... peut-être assez suspect. Il a besoin qu'on l'édite. De même, vous me direz, vous avez besoin qu'on vous édite. Donc moi, quand j'écris, bon, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est écrit dans un français qui peut être compréhensible par n'importe qui. Bien. Alors qu'il y a certains poètes, et de plus en plus, qui écrivent, qui mettent sur le papier leur inconscient, leurs problèmes non résolus, et qui ne connaissent pas, ils ne peuvent pas le connaître, c'est dans leur inconscient. Et qui veulent y faire participer les autres dans un langage que les autres ne comprennent pas. Alors là, je demande à quoi sert la poésie. C'est tout. Vous prenez un exemple d'un auteur pas clair de prime abord, Mallarmé. Oh là, Mallarmé, c'est très compréhensible, c'est très clair. Oh, la lune, sa tristesse et ses raffins en fleurs, pleurant, le château d'oie, dans le calme des fleurs vaporeuses. Tiré du moment de viol, c'est très clair. Oui. Ah non, le vierge, non, je pense que Mallarmé ne peut pas le prendre. Comme, Le vierge, le vivace, le bel aujourd'hui, va-t-il nous délivrer d'un coup d'aile ivre, ce lac dur, transparent, oublié, que hante sous le givre, le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui. Vous n'allez pas me dire que c'est clair, c'est beau, mais c'est pas clair. Oui, peut-être. Mais en faisant un effort, on arrive à comprendre. Alors que je vous assure que j'ai fait des efforts pour comprendre certains poètes, je ne les comprends pas. Alors que quand vous prenez Paul Fort, par exemple, l'ex-prince des poètes, hein, quand du coteau qui illumine leur tremblant les genêts, j'ai vu jusqu'au lointain le versement des mondes, j'ai vu ce peu de terre infiniment rythmé me donner le vertige des distances profondes, c'est Copernic, mais dans une autre langue, une sacrée langue. C'est Copernic. quand tu vois le type qui est en haut d'un coteau, qui voit ce peu de terre infiniment rythmé, qui lui donne le vertige, des distances profondes, et je le vais tremblant, c'est comme ça que termine le poème, la palme de mon corps vers cette grande voix qui rythme l'univers. C'est formidable, et ça c'est de la poésie pour moi. Je veux pas obliger les gens à aimer la poésie que j'aime, bien sûr, mais la poésie depuis Christine de Pizan jusqu'au poète maudit, d'accord, c'est un langage compréhensible. Et je participe au mal-être de tous ces gens-là, parce que pour être poète, il ne faut pas être bien dans sa peau. Bon, on est d'accord, ça part d'une pathologie. Ça part d'une pathologie, qui ne peut pas s'exprimer autrement. Est-ce que l'on peut généraliser... Pathologie, qu'est-ce qu'est la pathologie? Oui. Alors, venons. Je crois qu'on en a beaucoup parlé. On parlait justement. Et si vous n'êtes pas imbécile heureux, vous faites des vers. Bon. Est-ce que l'on peut généraliser, élargir, pas seulement la poésie, mais le fait d'écrire, donc élargir à tous les écrivains? Les écrivains, c'est des malades en raccourci. Je pense qu'effectivement, pour écrire, c'est une façon d'agir quand on ne peut pas agir autrement. Quand on n'a pas la possibilité d'agir sur ses contemporains par l'action, c'est-à-dire le fait de s'introduire dans un système de compétition, de passer des concours, d'arriver au haut d'une hiérarchie, etc. Quand on n'a pas ce moyen-là, qu'on ne peut pas supporter ce type de compétition, on devient écrivain ou poète, c'est vrai. Ou scientifique d'ailleurs, ça en vient au même. Parce que vous savez, il y a une sacrée poésie, dans la science, il ne faut tout de même pas l'oublier. Actuellement, prenez les astronomes actuels, ils sont en train de construire des cosmologies basées sur de la physique particulière et des mathématiques qui est d'une poésie extraordinaire, vous comprenez? Et seulement, pour atteindre, là aussi, c'est un langage qu'un certain nombre de gens peuvent comprendre quand ils ont la syntaxe et la grammaire. Et le vocabulaire, bien sûr. Pour en revenir à... Parce qu'on ne s'éloigne pas de Copernic. Copernic, ce sont les divagations, au sens premier du terme, de quelqu'un. Donc ça touche, ça effleure pas mal de choses. C'est pour ça que je dis qu'on ne s'éloigne pas de Copernic. Je voudrais quand même revenir à ce que vous avez dit à propos de l'édition. Que lorsque quelqu'un tenait à se faire éditer après avoir écrit, ce qui en soi était parfaitement normal, ça devenait suspect. Que pensez-vous d'un auteur ou d'un compositeur, parce qu'on peut élargir à tous les arts, bien sûr. Que pensez-vous d'un auteur qui veut vivre de son métier dans cette société-ci, c'est-à-dire produire et se faire éditer pour en manger, finalement? Je pense... Avec ou sans l'alibi ouvertement déclaré de faire partager ses créations, peu importe. Je pense que les actes de création ne doivent pas être des actes marchands. C'est très idéaliste dans un monde comme le nôtre, mais aussi bien la science que la poésie, ça ne se marchande pas. On n'en fait pas un métier. On l'a dans le creux du ventre, et c'est ce que je dis d'ailleurs. Il y a très peu de poètes qui s'ouvrent l'abdomen et qui foutent leurs tripes sur la table. Hein, et que ces tripes soient valables pour l'ensemble des tripes de l'univers, enfin de la planète. Et je pense que il y a une certaine noblesse dans la création, et que la vente ensuite, l'édition, la vente, la connaissance par les autres, est suspecte, de toute façon est suspecte. Je le dis pour moi comme pour tout le monde. Un peintre crée, s'il pense qu'il va vendre sa toile, vaut mieux qu'il prenne pas de pinceau ou de couteau. Alors nous ne connaîtrions aucune grande œuvre ou réputée telle, selon alors le raisonnement. Alors là, vous revenez à, effectivement, c'est une question très, très perverse. Bach, Dieu sait si je l'aime. Prenons Bach, mon frère, jusqu'à une époque récente, on commandait et on payait une œuvre. Et effectivement, le poète passe... Si, non, non, mais je veux dire... On la payait. Oui, mais vous prenez un cas extrême, Paul Fort. Il aurait fallu qu'il écrive et qu'il laisse dans le tiroir ce que vous dégustez tant. Il y a deux choses. Il y a en tirer profit. Je pense que là, ça ne faut pas jeter le discrédit sur le fait d'en tirer profit. Parce que nous sommes dans une société de marchands. Et ça date pas d'hier, il y a 12 000 ans que ça dure. Et dans une société de marchands, si vous voulez que ces marchands vous autorisent à vivre simplement, il faut que vous leur produisiez quelque chose. En plus, tout ce qui est artistique donne à cette société de marchands un alibi. Parce que pratiquement, ça a l'air gratuit. Donc, comme l'architecte qui est entre les mains des promoteurs immobiliers, leur donne une... C'est la goutte d'art que l'on met dans une construction, qui n'a de valeur d'ailleurs que parce qu'on a acheté un terrain qu'on a bâti dessus en le prenant aux autres, en expropriant, etc. Bon. Et l'architecte, comme les créateurs en général, sont dans une société marchande où, pour leur permettre de vivre, il faut qu'ils vendent. Mais s'ils créent avec l'idée qu'ils vont vendre, à ce moment-là, à mon avis, c'est dramatique. Est-ce que vous ne pensez pas que la pression de nécessité, c'est-à-dire devoir pondre un bouquin parce qu'il faut bouffer et qu'on a un contrat avec l'éditeur, la pression de nécessité elle-même ne peut pas être un facteur d'art et de génie? Allons-y. Je suis pas sûr. Je pense que l'art est très spontané. Et la science, elle est spontanée. Elle est une recherche de... Elle est basée sur l'angoisse de l'existence, l'angoisse existentielle, comme dit les psychiatres. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette planète? Et qu'est-ce que sont venus faire les autres? Et c'est ça qui, finalement, fait les créateurs, quels qu'ils soient. Il n'y a pas de... Alors, effectivement, il y a un autre point qu'il faut ajouter, c'est que souvent... Et surtout en science, moins qu'en littérature. Et déjà la littérature, si elle est philosophique, déjà, elle va rentrer dans le cadre des sciences, plus la science des sciences, la philosophie. Vous ne détenez pas la vérité. Si vous êtes suffisamment lucide, vous savez que ce que vous croyez, le monde que vous avez construit, pour vous, bien sûr, pour être heureux au sein de ce monde, c'est une vision très parcellaire de ce qu'est la réalité. Bien. Alors, vous dites, est-ce que je me trompe vraiment complètement? Et ça, c'est une question que vous posez sans arrêt. Est-ce que d'autres participent à cette création que j'ai faite, à ce monde, que ce soit celui de la poésie, de l'art ou de la science? Et alors, il y a une deuxième chose, effectivement, qui vous pousse à publier, qui est de vous dire, bon, je vais voir ce que les autres en pensent. Mais, par exemple, vous prenez Copernic. Je ne sais pas combien il a été vendu d'exemplaire, personne ne l'a lu, personne n'en a parlé. C'est un livre, qu'un savant ou soi-disant tel se permette d'écrire un bouquin comme ça, je dis, c'est pas sérieux, c'est pas vrai, ou il se fout de nous, c'est un vieillard dégâti qui, bon... Et aucune analyse n'a été faite, excepté dans un journal belge du soir... Hasard. Enfin, et personne n'en a parlé, parce que ça gênait et que... ça ne correspondait pas à l'image qu'on se faisait du savant respectable. Bah, mon Dieu, un savant respectable est un homme comme les autres. J'ai tout un passage sur les notices nécrologiques à l'Académie de médecine. C'est attristant. Et finalement, on ne dit jamais comment ces gens-là faisaient l'amour. Ce sont des êtres éthérés leur fils suit leur... Alors qu'on serait bien plus éclairé si on nous parlait de leur façon de faire l'amour. Bah, si en général ils ont essayé de s'élever dans une hiérarchie, c'est qu'ils faisaient mal. Une question d'auditeur pour en rester au sujet de l'art. Si tout le monde était heureux, y aurait-il encore de l'art? Formulé différemment, la douleur est-elle nécessaire à l'art? Mais je crois avoir dit déjà dans une émission présente, je ne sais plus ce que j'ai dit dans ces émissions d'ailleurs, que Mme Maupomé, l'année dernière, ou il y a 2 ans, m'a demandé de parler, de prendre un compositeur que j'aimais, et d'en parler à la radio avec les disques qu'on passait pour illustrer mon discours, si vous voulez. J'ai pris Schumann, qui est mort fou, suicidaire, et s'est suicidé d'ailleurs, et qui a été en émission de l'action sans arrêt. S'il avait été heureux, je ne pense pas qu'il aurait été Schumann. Et elle m'a dit, en terminant, la maniaco-dépressive en plus de Schumann, est-ce qu'on pourrait la traiter actuellement? Je lui ai répondu oui. Je pense qu'avec du lithium, il avait de grandes chances de ne pas être maniaco-dépressif. Mais est-ce que ça aurait été Schumann? Van Gogh? Mais Van Gogh, mais Cantor, parce qu'on prend toujours des artistes. Cantor, c'est la théorie des ensembles. Il est mort fou. C'est Molvage qui a trouvé les microbes avant Pasteur. Il est mort fou. Vous allongez la liste. Et même des gens qui dominent le monde contemporain, comme Einstein, n'étaient peut-être pas fous. mais c'était un être vraiment asocial. Enfin, ça, quand on voit la vie d'Einstein, on se rend compte que c'était pas un type normal. Alors c'est une même question, tout ça, la douleur est-elle nécessaire à l'art, ou la pression de nécessité? Je voudrais juste l'illustrer par quelque chose. Plusieurs dessinateurs de presse, à ce micro, nous ont bien précisé que cette pression de nécessité qui est la commande impérative et les délais également impératifs en temps pour réaliser leur croquis étaient très nécessaires à cette... à l'œuvre créée au bout, parce que s'ils avaient tout leur temps, y compris des années, et le sujet au choix, il n'est pas du tout évident qu'ils feraient des dessins. Parce qu'ils ne sont pas suffisamment motivés. Ils sont motivés par le fait d'entretenir leur petite famille et d'avoir une vie correcte. Mais s'ils étaient motivés suffisamment, il se passerait de cette passion de nécessité dont vous parlez. Une passion de nécessité, elle existe, mais elle n'est pas à ce niveau-là. Elle est au niveau cosmique. Vous avez dit, Henri Laborie, tout à l'heure, que les gens qui se sont occupés d'établir leur dominance et de s'inscrire dans les hiérarchies sociales sont des gens qui s'occupaient d'autre chose que de faire l'amour. Vous pouvez développer ? C'est-à-dire que... Je n'ai pas dit ça, d'ailleurs, exactement. Je dis que... être amoureux, c'est... quelquefois permet de s'élever, et la motivation pour s'élever dans une hiérarchie, parce que on veut paraître le plus grand, le plus beau, et que l'être aimé vous admire, et comme il vous admire en rapport à un système hiérarchique, évidemment on s'élèvera dans une hiérarchie, mais en général quand on a la possibilité de se faire aimer autrement, on n'essaie pas, c'est que on n'est pas suffisamment aimé au lit pour chercher les fauteuils de présidence. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Les insignes, vous en avez un respect très très modeste apparemment. On retrouve dans Copernic une petite peinture, comme il y en a presque à chaque page, d'un monsieur d'un certain âge... Qui entre, on ne sait trop où d'ailleurs, peu importe, un monsieur d'un certain âge, aux tempes grisonnantes, et penché vers l'arrière, à tel point qu'on pourrait se demander s'il n'allait pas être nécessaire de le soutenir pour l'aider à rétablir son équilibre. En fait, c'est quelqu'un gonflé d'orgueil. Le revers de son manteau s'ornait d'une magnifique rosette de la Légion d'honneur, qu'il s'empressa de confier à la demoiselle du vestiaire. La rosette et son manteau furent accrochés juste à côté des WC. Il est vrai que... C'est vrai, je l'ai vu. Il est vrai que, pour que nul ne l'ignore, il avait une autre rosette sur son veston. On ne peut pas une rosette sur un manteau. Peut-être. S'il y en a quelqu'un qui le font, ça leur fasse plaisir. Moi, je veux bien. Enfin, ça ne se fait pas. Vous ne voulez pas que sur le manteau, vous mettez le bandeau là, de la Grand Croix, on se levait dans les cérémonies. Alors, tout cela vous amène à une question, peut-être s'en était-il fait tatouer une sur la clavicule gauche, de façon à conserver ses marques hiérarchiques de dominance en baisant. Tiens, au fait, comment baisait-il celui-là ? Bah voilà. Non mais, quand vous êtes dans un restaurant, vous êtes seul, et vous regardez les gens rentrer, vous regardez ce qu'ils sont, ce que vous essayez d'entrer dans leur peau. Et vous voyez un gars comme ça, j'ai vu. C'est pour ça que j'en parle. Je n'ai rien inventé, ouais, vous savez. Oui, on en voit beaucoup. Alors, on se dit, est-ce que vraiment il a besoin de ça pour être aimé? Parce que finalement, ce n'est que ça. C'est être aimé, être considéré, être le meilleur, le plus beau. Et s'il a besoin de ça, tant mieux et tant pis pour lui. Il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de s'accrocher à une machine, évidemment. Quand vous faites l'amour, vous êtes à poil. Bon, vous n'avez pas de galon non plus. Bon, vous êtes. Et c'est là que, évidemment, les choses commencent à devenir sérieuses, si j'ose dire. Alors, vous n'avez... Ce que vous nous donnez depuis tout à l'heure comme argument, tout ce qui est dominance et établissement et volonté de dominance, ça ne tient qu'à... C'est assez flou, remarqué pour l'instant, ça ne tient qu'à une chose ou deux, où on est mal baisé ou on est mal baisant, en gros. C'est un peu simple. Non, il y a... C'est un peu simple, mais... Et l'amour dans tout quand ça, on mais... ne peut pas, quand on ne peut pas dominer... sexuellement, évidemment, on cherche des débouchés. Ah. On cherche d'autres moyens. Vous avez dit dominer sexuellement. Donc être aimé, dominer, c'est être aimé. La dominance, on va pas revenir sur les premiers jours où vous m'avez interrogé. Quand vous trouvez un objet gratifiant... Quelque chose qui me fait plaisir, oui. Quelque chose qui vous fait plaisir. À ce moment-là, s'il y a un autre, vous pensez qu'il y en a d'autres autour de vous qui pourraient trouver aussi que ça pourrait leur faire plaisir. Et vous dites, c'est à moi. Il n'y a pas d'instinct de propriété, il y a simplement le fait que dans une compétition, vous voulez conserver votre objet gratifiant. Pour le conserver, il faut dominer l'autre. Alors il y a des moyens de dominer, de conserver l'objet gratifiant, c'est de lui devenir indispensable. Et puis il y a l'autre moyen qui consiste à s'élever dans la hiérarchie pour que l'objet gratifiant, l'être gratifiant, puisse vous admirer autrement que dans vos performances sexuelles, si vous voulez. Donc finalement, tout ça, c'est toujours le même besoin d'être aimé, de ne plus être seul dans sa peau, d'être aimé et de conserver ce qui vous fait plaisir, ce qui est indispensable à votre existence. C'est tout. Alors, les règles pour se débarrasser de ces gens qui nous dominent dans les hiérarchies sociales, somme toute, serait de se débrouiller pour faire en sorte qu'ils soient mieux aimés. Mais je pousse le raisonnement logique en disant, si on établissait sur les performances au lit, bah oui, les règles de la dominance... on verrait peut-être s'établir d'autres types hiérarchiques. Hein. Mais à ce moment-là, je dis, ce qui est embêtant, c'est qu'ils seraient fichus de nous foutre des concours de baisse et il faudrait passer un certain nombre de diplômes dans l'exercice de cette fonction. D'établir une nouvelle dominance. Voilà, une nouvelle dominance. Alors, c'est ce qui montre le ridicule de tous les comportements humains tels que tous les jugements de valeur, tout ce que nous... cette bouillie dans laquelle nous nageons à longueur de journée. D'ailleurs, la scène du restaurant dans Copernic, qui est vraiment... Enfin, c'est un passage. Il y a, le roman n'est pas là-dessus, bien sûr. C'est pas un roman. Le livre n'est pas là-dessus. C'est un roman ou un essai, je ne sais pas ce que c'est. C'est tout ce qu'on voudra. C'est un roman, finalement. Ce sont des divagations. C'est des divagations. Ça commence par l'observation d'une table familiale assez classique. Oui, je m'en souviens. Où l'enfant tente d'interrompre ou d'être servi. Je l'ai vu, j'y ai assisté, c'est pas inventé. J'ai rien inventé là-dedans. Vous savez, j'ai vu les choses et puis je les raconte. Vous voulez bien vous la raconter, celle-là? Je m'en souviens plus très bien. Si vous l'avez lu, peut-être que vous la raconterez mieux que moi. Bah, c'est l'enfant essaie d'être... Je vois encore la table, je vois encore les personnages, mais maintenant ce qui a été dit, je me souviens plus exactement. Le père se sert. Oui. L'enfant veut être servi après le père... Mais la grand-mère intervient en disant « Non, c'est au tour de mémé maintenant. » Après papa. Après papa, c'est mémé. Et la mère, elle-même, s'écrase et attend son tour après mémé. Et en dernier lieu, on suppose que ça sera l'enfant. Ça sera l'enfant, oui, bien sûr. Et alors là, la discussion qui a suivi sur le fait qu'il fallait avoir son bac pour réussir actuellement dans la vie, etc. Enfin, il y a tout un... cette famille était adorable. J'en avais les larmes aux yeux à l'écouter. C'était... Non, mais c'est vrai. C'est à la fois triste et réjouissant de voir comment on pourrait transformer les hommes en leur prenant autre chose que ce qu'on leur apprend. Et en ayant un autre type de rapports sociaux. Ça m'a tristé, cette famille. Il y en a aussi au même restaurant, quelques jours après. Il y avait manifestement deux membres du CNRS qui ont passé leur repas à parler de la nouvelle loi. Des savants, des nouveaux règlements, oui, des nouveaux règlements, etc. Et de la façon dont un tel qui n'avait plus... On va passer un petit peu à autre chose. C'est une question d'auditeur. Mais je voudrais quand même dire une chose. Dans ce que je raconte, ne croyez pas qu'il y ait un mépris quelconque. Il y a une certaine tristesse, effectivement, devant un certain nombre de gens qui sont comme moi, exactement pareil, qui sont nés avec le même cerveau, qui n'ont pas eu la chance que leur métier leur apprenne comment ils fonctionnaient. Et qui... la pitié, c'est un sentiment très... paternaliste et très... Oui, néo-chrétien et très... très suspect, disons. Enfin, il me déplaît. D'ailleurs, j'en parle aussi là-dedans, au passage. Vous savez, je rappelle ce film qui avait enthousiasmé mon adolescence. Il s'appelait Les Verts Pâturages. Et puisque vous parlez de chrétiens, c'est vrai. C'était joué par des Noirs américains et c'était vraiment extraordinaire comme film. Et ça terminait finalement sur le mont des Oliviers avec le Christ en croix. Et alors, excusez-moi, le Christ, il était blanc ou noir? Il était blanc, il était ou noir. Noir. Ah bah bien sûr. Tout était noir dans ce film. Et il y a le Dieu qui est lui, il a une barbe blanche, ou il est blanc, ou peut-être noir, j'en sais, je ne me souviens plus. Qui est dans les nuages. C'est un homme en tout cas, hein, rassurez-moi. Ah bah sûr, bah bien sûr. Bah, les Noirs, à ce moment-là, endoctrinés, ils ne pouvaient pas imaginer un Dieu qui ne soit pas un homme. Ou du moins qui n'est pas une figure d'homme. Non, mais c'est vrai. Et Dieu, à ce moment-là, qui a un visage de souffrance, parce que c'est quand même lui qui est sur le Golgotha. Et puis quand le Christ meurt, il dit, j'ai compris ce que c'est que la pitié. C'est dramatique. Dramatique parce que cette pitié avec laquelle on nous a menés, et peut-être un des sentiments les plus vils qui existent, avoir pitié de quelqu'un, c'est se sentir supérieur à lui et dire il est malheureux, plus malheureux que moi. C'est qu'on n'est pas lucide envers soi-même. Parce que l'homme qui est fusillé et l'homme qui est torturé, il peut avoir pitié aussi de ses agresseurs. C'est évident. Je sens que vous allez nous placer le coup de Jésus demandant au soldat qui le gifle « Pourquoi me frappes-tu ?» Oui, parce qu'il l'oblige, je trouve ça génial, parce qu'il l'oblige à faire un retour en lui-même et à sortir de son conformisme. Il le battait parce que il était soudard, etc. Enfin, c'est des gars de Ponce Pilate, là. Et lui dire, il n'a pas dit à ce moment-là, il n'a pas tendu l'autre joue. Il a dit « Pourquoi me frappes-tu » Et le type s'est dit « Mais pourquoi ?» On imagine, c'est pas dit dans le texte. Et ça, je pense que c'est important de dire, de ne pas discuter avec les gens, mais de leur poser les questions qui les obligent à rentrer en eux-mêmes. Et dire d'où ça me vient, ça. D'où vient cette notion que j'ai. C'est la maïeutique. Peut-être, remontons à Socrate, je veux bien. Donc, une question d'auditeur ou d'auditrice, du reste, pourquoi les femmes ne font-elles jamais le premier pas? Est-ce seulement socioculturel? Alors, le premier pas, je suppose qu'il s'agit... Oui, dans l'approche de la sexualité. De drague, oui. Oui, je pense que c'est parce que c'est vraiment socioculturel, ça, il n'y a pas de raison. Les pays, comme le Québec, où les femmes font le premier pas, hein, souvent. On ne s'en sort plus. Pourquoi pas? Moi, je ne vois pas de... Hein, c'est vraiment... On leur a appris que ça ne se fait pas dans la bonne société. Bon, alors, ils ne le font pas. Ils ont tellement d'autres façons de faire le premier pas, un regard, un sourire, une attitude, ça suffit. Qu'est-ce qui vous rapproche ou vous distingue de René Girard? Oula. Ce qui me distingue d'abord, c'est que je suis... Vous voulez bien nous présenter René Girard? Oh, bah, je ne connais peut-être pas suffisamment pour le présenter, je ne voudrais surtout pas... Non, mais en trois mots. Le présenter, je dirais que présenter ce que j'imagine, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai compris de René Girard, c'est autre chose. D'autres y trouveront autre chose. Ce qu'on peut dire, c'est que pour lui, l'agressivité, elle résulte de la non-différence, c'est la grande idée. La non-différence... La planification des individus amène à l'agressivité. Alors, quand on prend la question comme ça, ça peut se défendre, il le défend très bien d'ailleurs. Mais déjà, il a des arguments qui sont souvent assez spécieux. Il dit par exemple, les jumeaux, si dans certaines situations tribales, on les tue, c'est parce qu'ils ne sont pas différents. Moi je dirais que les jumeaux, ça ne court pas les rues. Et que si on les tue, c'est que justement, ils constituent quelque chose d'anachronique, d'anarchiste dans une société donnée. C'est pas normal. Bon. Pour lui, par exemple, je prends un autre exemple qu'il donne, parce qu'il donne multiples exemples, il faut lire ses principaux livres, La violence et le sacré, etc. Le bouc émissaire. Je prends un autre exemple. Le carnaval, pour lui, est violent et agressif parce qu'il nivelle. Et je pense que, dans une société, c'est là où je vais en venir, d'ailleurs, dans un instant, dans une société, le carnaval est une soupape. Ce qu'a été d'ailleurs, par exemple, mai 68, c'est une soupape à une structure hiérarchique de dominance dans laquelle, effectivement, sous le masque, tout le monde est pareil. Et dans ce qu'a été le Canada, l'aristocrate était se mélanger aux bourgeois et aux prolétaires. On ne sait plus qui c'était. Et à ce moment-là, on pouvait dire n'importe quoi. On pouvait ne pas. Dans cette non-différence, on pouvait au contraire ne pas être agressif. L'agressivité était très, très temporaire et superficielle. Et elle permettait de reprendre l'agressivité institutionnalisée dans les jours qui suivaient, ce qu'on voit encore à Rio ou ailleurs, et de rétablir l'agressivité qui est fondamentale, qui est celle des échelles hiérarchiques de dominance. Bien. Donc, tout ça, dans René Girard, je ne suis pas d'accord. Ça ne veut pas dire que... Et je ne suis pas d'accord parce que on a l'impression, je me trompe peut-être, qu'il croit que l'agressivité, elle est fondamentale, elle est dans l'essence de l'homme. Je ne sais pas ce que c'est que l'essence, moi j'en prends quelquefois aux pompistes, mais l'essence de l'homme, je ne sais pas exactement ce que c'est. Je sais comment est fait un cerveau d'homme. Et tout le monde, qu'est-ce qui vous distingue de René Girard? C'est que c'est un philosophe et que je suis biologiste. Que un cerveau, pour moi, l'agressivité d'un individu, elle est menée par un système nerveux. Et je m'étonne qu'on puisse parler de cette agressivité en lui trouvant des causes sans prendre en compte un système nerveux. Oui, mais vous êtes biologiste, donc, par rapport à un philosophe, vous êtes forcément réductionniste. Oh, non, revenons pas là-dessus. Revenons pas là-dessus, au contraire. C'est ce qu'un philosophe... Non, mais je vous pique volontairement, là, je plaisante. Mais c'est ce qu'un, mais non, c'est ce qu'un dirais... philosophe pensera de vous. Oui, non, mais moi, je dirais qu'alors, je ne l'ai jamais dit. Moi-même, ce sont des arguments. Je ne dirais pas qu'il fait du philosophisme. Alors, il dira que je fais du biologisme. Non... Au contraire, je pense que je suis anti-réductionniste. Vous avez été amené à cette antenne à dire, quand même, rappelons-le, que s'il y avait des réductionnistes, c'était bien eux, les philosophes. Bah, bien sûr. Mais non, je ne parle pas des philosophes. Je parle de tout spécialiste d'une spécialité à un niveau d'organisation dont nous avons parlé au début, que ce soit le psychologue, le sociologue, l'économiste, le politique, le biologiste, le biochimiste, le neurophysiologiste qui se maintient à la connaissance de son niveau d'organisation est forcément un réductionniste. Il se trompe, c'est forcé. D'ailleurs, je crois que c'est quand même la conclusion de, sinon de la nouvelle grille, du moins d'éloge de la fuite, de la nouvelle grille, c'est que l'homme malheureusement est condamné pour l'instant au réductionnisme. Non, on n'est pas condamné justement. Non, je m'élève. J'ai dit condamné pour l'instant, ce qui est un barbarisme pour l'instant. Pas pour l'instant. Qu'il est une discipline dans laquelle il est passé maître, comme on dit. Je veux bien, mais qui ne reste pas enfermé dans cette discipline. Il peut accéder au concept de nombreuses disciplines et devenir vraiment interdisciplinaire, ce qui est à la mode. J'ai vu l'interdisciplinarité à une époque où c'est pas bien vu du tout d'en faire. Il fallait être le spécialiste expert avec une chaire à faculté. Alors là, on est tranquille, hein, on savait tout sur rien, mais ça valait mieux qu'à l'époque de savoir rien sur tout. Bon, qui était le généraliste, c'est Bernard Chou, c'est pas de moi. Mais je pense qu'on peut très bien accéder au concept de l'autre, au langage de l'autre. C'est ça qui est aussi très important. Si vous ne comprenez pas le langage de l'autre, vous ne pouvez pas pénétrer dans sa spécialité. Sans être un technicien, c'est-à-dire sans avoir l'activité motrice manuelle du technicien. Une technique, ça demande quelquefois une vie d'homme à apprendre. C'est très compliqué. J'en ai une que j'ai menée au plus parfaitement possible dans ma possibilité, c'est la chirurgie. Croyez pas que pour enlever un estomac, un utérus ou un rectum, un homme ou une femme, ça soit simple. Hein. Ça demande un travail monumental, de nombreuses années. Et cette technique, elle ne m'a pas suffi, c'est tout. Et j'ai cherché ailleurs pourquoi il y avait un ulcère d'estomac, pourquoi Ça m'a fait passer à d'autres niveaux d'organisation. Et je ne suis pas technicien. Les appareils du laboratoire, je ne sais quel est leur principe de fonctionnement, mais je ne sais pas les faire fonctionner. Et les gens qui les font fonctionner, je souhaite qu'ils ne restent pas dans le fonctionnement d'un appareillage et dans les connaissances techniques d'un niveau d'organisation. Je leur demande de sortir de leur niveau d'organisation et de devenir interdisciplinaire. Et il y a 25 ans que je travaille comme ça. Donc je me suis introduit dans les sciences humaines que par un chemin très détourné, avec une source d'information qui n'était pas celle utilisée à l'habitude. Mais je reconnais, je suis très, très ignorant. Je n'ai pas de bagage, ni philosophique, ni même littéraire. Les choses qui m'ont plu, et je vous parlais des poètes, bien sûr, ah, ça je les connais bien. Mais les poètes étrangers, je ne les connais pas. Et il y a quand même une poésie qui n'est pas... La poésie n'est pas seulement française. Il y a une anglaise, il y en a une allemande, et quoi ? Vous avez l'air étonné. Mais bien sûr, il y en a une italienne, une espagnole, Ce n'est qu'un air, oui. Mais non, mais je ne les connais pas non plus. Alors, fleurir son discours de quelques termes allemands, par exemple, ça fait bien chez les philosophes ou les psychiatres actuellement, si vous ne sortez pas toutes les trois phrases. Oui, c'est un bon... Tanschauung, des quelques mots allemands. Ce qui montre votre culture, ça ne fait pas sérieux. Bon, mais je ne peux pas le faire, je dois dire que je ne fais pas sérieux. Je n'ai jamais essayé de faire sérieux, d'ailleurs. Je me suis amusé dans ma vie, même en écrivant Copernic. Radio Libertaire 89.5, téléphone 262 90 51. L'invité quotidien, Henri Laborie. Des questions d'auditeurs, le penseur Cioran ne rejoint-il pas la biologie des comportements lorsqu'il dit que toute idée devrait être neutre, mais que l'homme y projette ses flammes, ses démences, son besoin de croire, son appétit de puissance, sa faculté monstrueuse d'espérer? Je ne pense pas qu'on puisse dire que toute opinion devrait être neutre. Toute idée, hein? Toute idée devrait être neutre. L'objectivité, ça n'existe pas. Être objectif, c'est être neutre, si vous voulez, mais ça n'existe pas. Même le cinéma n'est pas objectif. Même le journaliste qui va... ça n'est pas arrivé récemment. Il n'a pas rapporté ses films, mais il nous aurait donné une vue tronquée, une vue fausse, et qui était objectif par rapport à lui, par rapport à son inconscience, ses jugements de valeur, toute son programmation culturelle. Et il n'aurait retiré d'un ensemble horriblement complexe qu'une petite partie qu'il aurait favorisée, qu'il aurait isolée pour nous la présenter. Donc je ne pense pas qu'une pensée peut être neutre. Mais effectivement, elle n'est pas neutre parce que nous la voyons toujours à travers notre apprentissage, je répète, depuis la naissance et peut-être avant, nous la voyons à travers nos apprentissages, tous nos automatismes, tous nos concepts engrammés dans notre cerveau, et qu'effectivement, nous ne pouvons pas à ce moment-là avoir un regard. Il n'est pas objectif parce que ce n'est qu'une partie de la réalité, et on ne le croit pas, on ne sait pas. Et en plus... Cette partie de la réalité, cette toute petite partie de la réalité, nous la déformons par tout ce que nous avons, tout ce que nous avons appris, tout ce que nous savons. Toujours en vision personnelle, égoïste, par rapport à notre plaisir, c'est-à-dire à la réalisation de l'idéal que nous avons de nous-mêmes, et de celui du groupe auquel nous appartenons. Donc, ce sont des fatras de mots, qu'ils ajoutent les uns aux autres. Et ce que j'ai essayé dans Copernic n'a pas changé grand-chose, c'est de montrer que tous ces discours logiques, toutes ces abstractions d'un sous-ensemble débouchent forcément sur l'ineptie, sur l'absurdité. Henri Laborie, toujours une question d'auditeur. Comment expliquez-vous la contagion dans un groupe et sa polarisation. Je pense que ce que veut dire cet auditeur, c'est que tout le monde dans un groupe pense de la même façon. Je pense que pour Sailor, nous revenons sur René Girard. Il faut trouver un moment donné pour maintenir la structure du groupe. La structure du groupe, c'est toujours ce que ne dit pas René Girard. Toujours une structure hiérarchique de dominance. Toujours. Alors, pour maintenir cette structure que certains trouvent très aliénante, d'autres en profitent, il faut trouver à l'extérieur le bouc émissaire de ces expressions bien avant René Girard, mais qu'il utilise. Ça sera l'immigré actuellement, ça sera le crouille, ça sera le boche avant la guerre, l'anarchiste, le viet, etc. Celui qui n'est pas homme, le nègre, hein, non pas le noir, mais le nègre. Et c'est il n'a plus là, et il rend à ce moment-là chaque individu du groupe très fier d'appartenir à ce groupe, même s'il est tout à fait en bas de l'échelle. Parce qu'il est différent de l'autre et qu'il se reconnaît dans l'image que ce groupe donne et auquel l'individu qu'il est appartient. Le fondement du racisme. C'est ça. Alors là, c'est typiquement, pas autre chose. Une auditrice vous demande si quelqu'un qui n'a pas recours à la dominance ou l'agressivité, même pour être aimé, n'est pas condamné à la pathologie. Qu'elle demande également si la normalité est-elle l'agressivité ou la non-violence. La quoi qui est... La normalité, entre guillemets, est-elle l'agressivité ou la non-violence. Mais qu'est-ce que c'est que le normal et le pathologique. Nous avons plusieurs fois... Qu'est-ce que c'est que d'être normal. Dans une société comme celle-ci, la normalité, c'est d'être agressif. Et d'entrer en compétition pour établir sa dominance. Je rajouterais, ça dépend... Parce qu'il n'est pas bon, par exemple, dans ce système, d'être agressif contre le système lui-même. Ah bah oui, non, mais bien sûr. Mais quand vous êtes conforme au système... Si on est compétitif, là c'est bon. Vous êtes agressif par rapport à l'autre en étant conforme aux lois du système. Mais je ne vois pas ce que c'est que la normalité ou la pas-normalité. La non-violence, pour moi, est anormale. Elle est profondément anormale dans le système dans lequel nous vivons. Et... Je suis très fier d'être strictement anormal. Mais alors, donc, c'est le premier volet de la question, c'est quelqu'un qui n'a pas recours à la dominance ou à l'agressivité. Même pour être aimé, est-ce qu'il n'est pas condamné à la pathologie. Enfin, la réponse est dans la question, mais... Ben, s'il y croit, il sera pathologique. S'il n'est pas aimé, qu'il veut être aimé, et qu'il croit qu'il est indispensable, qu'il ne voit pas pourquoi il a besoin d'être aimé, s'il sait pourquoi il a besoin d'être aimé, il utilisera son imagination pour essayer d'y être quand même aimé. Mais s'il y croit, s'il ne sait pas, et s'il utilise les arguments, les concepts et les techniques de la société dans laquelle il vit pour se faire aimer, je pense que là, il risque de tomber malade, effectivement. Il y a une certaine distance à prendre avec tout ce qui est les valeurs, comme on dit, ces valeurs qui font les hommes. Vous ne parlez pas du cul, là. Non, je parle, non, les valeurs, oui, ça en fait partie, mais enfin, bon. Non, c'est pas ça, c'est tout ce qui fait que, dans une société donnée, un homme ne sait plus pourquoi ceci est beau, pourquoi ceci est laid, pourquoi ceci est bien, ceci est mal. On lui a dit que ça, c'était beau, ça, c'était laid, ça, c'est bien, ça, c'est mal. Et pour se valoriser, pour appartenir à ce groupe, à cette société, il se conformise. Alors, dans cette conformité, s'il n'arrive pas à céder à la dominance, il risque effectivement, c'est-à-dire à être aimé, il risque évidemment de tomber malade. Mais il suffit qu'il prenne conscience de ça, qu'il sache pourquoi c'est ça, qu'il ait un doute, l'exercice du doute. C'est une profession de foi ? Ah oui, oui. J'ai écrit quand j'étais très jeune... Un poème sur les convaincus. On peut l'entendre. Non, alors je sais vous pas. L'avez plus non, mes œuvres immortelles, je ne les connais pas par cœur. Je connais celles des autres. Les miennes, très peu, même pas. Alors, donc, sur le doute, j'aimerais bien vous voir développer ça. Le développer, il n'y a rien à développer, c'est évident. Enfin, c'est à partir du moment où on doute, ça ne veut pas dire qu'on n'agit pas. Ça veut dire que quand on agit, on sait qu'on n'agit pas ni pour le bien, ni pour le mal, mais pour soi. Et à ce moment-là, on doute, parce que soi, c'est pas l'humanité entière, c'est pas 4 milliards 500 millions d'individus. Donc on ne va jamais jusqu'au bout de l'acte, à moins que les autres vous permettent d'y aller. J'ai été jusqu'au bout de ce que j'ai pu faire en biologie, si vous voulez. Mais en m'arrangeant pour que ne pas dépendre des autres. Et on peut le faire sur n'importe quel domaine de la vie quotidienne. Ainsi, si vous ne doutez pas de vous-même et des autres, de vos idées, de vos valeurs, si vous ne les remettez pas continuellement en question, et si vous n'essayez pas de trouver si vous n'essayez pas de trouver une technique vous permettant de dire que l'acte que vous êtes en train de réaliser n'est pas valable seulement pour vous, mais pour l'espèce entière, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, méfiez-vous. Si elle est valable pour un groupe restreint, la famille, votre groupe professionnel, votre groupe confessionnel, si elle n'est valable que pour ce sous-groupe-là, c'est vraiment a priori une erreur. Et un acte malhonnête. Malhonnête dans ce que j'appelle l'honnête homme, qui était un homme qui doutait. C'était Montaigne, c'est Diderot, etc. Bon. Le doute, à mon avis, aboutit à la tolérance et évite l'intolérance. Si vous faites un acte, vous commettez un acte seulement pour votre famille. Mais si vous pensez que... Mais si vous croyez que votre famille de pensée est porteuse d'un bien pour l'humanité tout entière, que pensez-vous du doute? Alors là, de penser qu'une famille de pensée est bonne pour l'humanité tout entière, il faudrait que l'humanité vous dise si c'est vrai. Ça dépend de la pensée, oui, c'est vrai. Alors, et puis vous ne prenez pas la vie de l'humanité, c'est pas démocratique, c'est même pas anarchiste. Vous ne prenez pas la vie de l'humanité pour savoir si votre pensée est celle du groupe de pensée auquel vous appartenez. Si je suis convaincu qu'il faut dans un premier temps se débarrasser des structures autoritaires qui nous régissent, non seulement ici mais ailleurs. Mais oui, mais je crois qu'il ne faut surtout pas rester dans un niveau d'organisation. Je serais revenu plusieurs fois là-dessus parce que à mon avis c'est fondamental. Si vous restez dans le discours logique, j'ai essayé là-dedans. Je me souviens d'un autre truc, je trouve ça drôle pour ça. Mais on nous dit par exemple, ce sont les meilleurs qui meurent à la guerre. Alors qu'est-ce que nous sommes? Tous des rescapés de la guerre. On est des fins de race, des pauvres bouts, des rien du tout. Si les meilleurs sont tombés à la guerre depuis le temps que ça dure, vous vous rendez compte, qu'est-ce qui est resté? Vraiment. Alors, voilà le genre de raisonnement qui me... Pourquoi nous dit-on ça? Parce que ça maintient une structure hiérarchique étatique de dominance. Bon. Et qu'il faut bien qu'il y en ait qui aillent à la guerre, parce qu'il y en a d'autres qui n'y vont pas. Bon, alors, j'y étais, j'en sais quelque chose. Alors, et c'est tous ces discours logiques qui me semblent très, très pervers. Finalement, très pervers. Ils mènent l'humanité à sa perte. Mais qu'ils soient de droite, de gauche, et même de rien du tout, comme vous croyez l'être, anarchiste. Vous me permettez, anarchiste mon cul. Hein. C'est pas de l'anarchie, votre anarchie est bien structurée. Et l'anarchie, en plus, elle est structurée, mais à partir d'un désordre, bien sûr. Vous admettez le désordre du départ. Et mais vous voulez ensuite restructurer ce désordre suivant votre ordre à vous. Mais l'anarchie, c'est l'ordre de 4 milliards 500 millions d'individus. Alors, bon, c'est très utopique, mais soyons utopiques ou ne soyons rien. C'est pas la peine. Ou on reste dedans, ou on essaie de comprendre. Et je le répète en plus, c'est peut-être que, parce que c'est mon cheval de bataille, tant que vous ne savez pas comment vous pensez, comment vous souffrez, comment vous agissez, comment vous êtes heureux, comment vous êtes gai, comment vous êtes triste, comment vous êtes agressif, tant que vous ne savez pas comment ça s'est combiné dans votre crâne, je pense que vous ne faites que des discours logiques, vous faites blablabla, puis voilà. Alors ce sera de droite, de gauche, du milieu, de tout ce que vous voudrez, mais... Alors vous êtes tombé, peut-être, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs, vous êtes tombé, le mouvement anarchiste, non pas celui avec le couteau entre les dents, moi je parle du mouvement anarchiste non violent qui essaie de trouver et de comprendre, vous êtes tombé sur une forme de pensée qui refusait un certain nombre de choses que l'on considère comme l'essence de l'homme, dont je parlais tout à l'heure. Des règles morales, religieuses, étatiques, surtout étatiques d'ailleurs. Et vous les avez remises en question, bravo. Mais à partir de là, ne retombez pas dans un langage et ne croyez pas que votre langage c'est le meilleur pour l'humanité tout entière. Et je vous dis, vous n'avez pas demandé son avis à l'humanité. Rien ne prouve que votre langage soit adaptable et conforme, celui que vous maintenez actuellement, soit conforme à ce que pense un gars du Sahel en train de crever de faim, etc. Enfin, ou un homme du Pacifique Sud ou une femme du Pacifique Sud qui a tout pour être heureux. Oui, il faudrait faire une assemblée générale avec ces gens-là, d'ailleurs, pour demander leur avis. Et alors c'est là où je pense que peut-être la technologie aura son mot à dire, c'est pas demain la veille. Mais je pense que la communication, lorsqu'elle sera suffisamment rapide et diversifiée, j'ai dû le dire, je pense déjà, je ne me suis plus ce que j'ai dit, mais j'ai eu l'occasion de, au Québec, m'a fait l'honneur d'être le premier à utiliser un satellite de communication. Bien, c'est ça, le jour où on n'en passera plus par les journaux, par les mass-médias, à laquelle je suis convié ce soir, avec derrière ces moyens de communication, un pouvoir. Vous avez un pouvoir, vous le savez bien d'ailleurs. Qui est tant pis pouvoir, mais c'est un pouvoir quand même. Lorsqu'on atteindra la possibilité de communiquer entre hommes, mais d'une façon très générale, sans appartenir à un groupe social, professionnel, étatique, tout ce que vous voudrez, lorsque les gens pourront parler entre eux, et c'est peut-être pas tellement, tellement lointain, lorsqu'on viendra, non pas des groupes, mais des individus, et que ces individus pourront s'exprimer, et n'exprimer autre chose que leur inconscient, sachant que ce qu'ils expriment, ce sera toujours leur inconscient, mais qu'ils s'en méfieront, ils exprimeront avec un doute sur ce qu'ils expriment, à ce moment-là, peut-être qu'on pourra faire quelque chose d'autre. Qui sait construire ces moyens? Qui les possède? Mais je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord, ce sont des pouvoirs. Mais alors là, vous m'avez reproché l'autre jour d'être pessimiste. Je ne suis pas pessimiste. Je pense qu'on ne peut pas passer, si vous voulez. Ça a l'air d'être une fuite, là encore. Je ne pense qu'on ne peut pas passer des premières structures vivantes dans l'océan primitif qui se sont réunies pour faire des êtres pluricellulaires puis qui ensuite ont évolué jusqu'à l'homme. Ça a demandé quelques 3 milliards d'années, 3 milliards 500 millions d'années. Je pense qu'on ne peut pas aller de ces êtres primitifs, ces cellules originelles, à l'homme comme ça, en une étape. On ne peut y aller que progressivement. Et le grand chambardement, ça ne donnera pas quelque chose de nouveau si les hommes qui ont fait le chambardement sont les mêmes. Il faut que les hommes changent. Il faut qu'ils apprennent autre chose que la physique, les mathématiques et l'informatique, que l'histoire et la géographie, que tout ce qu'on apprend à l'école. Il faut qu'ils apprennent autre chose que ça. Vous n'aimez pas les étiquettes, c'est seulement une définition du réformisme que vous venez de nous donner. Vous ne croyez pas du tout en la simultanéité d'une révolution des structures et des mentalités? C'est impossible. Ce que vous dites là, l'expérience en a été faite. On a changé les structures dans des pays comme les pays de l'Est. On a supprimé la propriété privée, les moyens de production et l'échange. J'y vais souvent et c'est une réalité. Hein, les salaires sont très égalisés, même ce qui est l'équivalent d'un grand patron en France, il habite un HLM, bon, quand il fait partie de l'émission, il a sa datcha. Mais en réalité, on n'a pas changé. On retrouve exactement le même système de dominance. Mais c'est le bureaucrate et le technocrate, c'est plus le bourgeois. Bon, alors. Nous ne cessons de répéter cela sur cette antenne depuis 3 ans. C'est évident. Mais fondamentalement, est-ce que les structures ont changé? Est-ce que le verticalisme a disparu? Non. Où? Là-bas, chez eux. Ah non, absolument pas, au contraire. Une hiérarchie encore plus. Hein, et les décorations en bandoulière, là. Bon. Nous sommes donc d'accord. Bon, ben bien sûr. Donc il ne suffit pas de changer les structures sociales pour changer les mentalités. Mais elles n'ont pas changé. Alors essayons de les changer, ces structures. Mais quand on les a changées... Mais elles n'ont pas changé. Le verticalisme a demeuré en Union soviétique. Les formes se sont modifiées, certes. Mais dans une société qui veut produire et dont la finalité est simplement la production de biens marchands, qu'on échange entre individus, entre groupes sociaux, entre États, entre blocs d'États, et qui permet d'établir les dominances, comment voulez-vous changer la structure sociale ? Mais vous me dites ça à moi qui n'en veut pas d'État. Mais, ah oui, mais bien sûr, moi non plus. Mais bien sûr, non mais, c'est très joli de dire, est-ce qu'une révolution va faire disparaître les États ? Non. Regardez, des millions d'Américains votent pour Reagan. Je pense attendez, que... Attendez, non mais il faut moduler. Un Américain sur deux vote. C'est tout. Et de tout temps. C'est déjà mieux qu'en URSS. 50%. Et c'est déjà mieux qu'en URSS. En URSS, qui vote à part les vieux crabes du parti ? Bon, bah alors... Vous voyez, donc... Je crois que c'est pas simplement... C'est pas une volonté des gens... Renverser des structures sociales, hiérarchie de dominance, c'est pas pour ça qu'on va trouver autre chose. On trouvera une autre hiérarchie de dominance. Il faut préparer le coup bien sagement et avec des moyens qui ne sont plus langagiers. Pas simplement avec des idées. Il faut le préparer avec des choses qu'on peut... Comme nous faisons au laboratoire, souvent... Écoutez, je sais pas si je l'ai dit non plus, parce que je me souviens pas, moi, d'une fois à l'autre... J'ai vu à la télévision, il y a quelques années, un monsieur qui était interrogé, qui cassait du sucre sur le dos d'un chef de parti, avec sur un autre parti, un autre chef de parti. Et l'animateur, qui lui faisait partie d'un troisième parti, c'est-à-dire celui qui était au pouvoir, forcément, puisqu'il était à la télévision, lui dit, enfin, monsieur X, vous n'êtes pas gentil pour votre camarade Y et son parti. Dis, mais monsieur, a-t-il répondu, mais sans rire, mais outré, mais monsieur... Je pars de faits objectifs. Mon analyse, parce que c'est toujours une analyse, est logique. Comment voulez-vous que je me trompe ? Bon, bah, quand on entend des absurdités comme celle-là, vous comprenez, on ferait bien d'envoyer ces gens-là dans un laboratoire de temps en temps. Ils verraient que nous aussi, on part de faits objectifs. Et encore, quand on part de faits objectifs, c'est des faits qui ont été trouvés dans le monde entier. Quand on fait le même protocole, on arrive au même résultat dans 99% des cas. Bien. Ou au moins 95%. Mais à partir de ces faits qu'on associe d'une façon différente, en fait, l'analyse logique, on appelle ça une hypothèse de travail, nous. Mais on ne croit pas que ça va déboucher sur la réalité. On passe à la table d'expérimentation, et à ce moment-là, on s'aperçoit que 9 cas sur 10, la plus belle hypothèse de travail, la plus belle analyse logique à partir de faits objectifs se casse la gueule. Ça ne correspond pas à la réalité. Et c'est quand tant qu'on se maintient dans ce système de pensée que... À vous entendre, il n'y a que l'utopie dans laquelle on peut croire. Mais je le pense. C'est un exemple de ce que je disais tout à l'heure. Vous parlez de quoi ? De Brassens ? De Brassens. Il a, toute sa vie, a été obnubilé par la mort. Et toutes ses chansons tournent autour de la mort. Et s'il a créé, c'est parce qu'il avait peur de la mort. Et ça, cette poésie géniale, parce qu'une poésie, alors là, toute la langue, tout, les images, c'est vrai. Et c'est encore la crainte de la mort qui l'anime. Alors, je ne rentre pas sur pour vendre des disques, vous savez. Poursuit hors antenne les discussions avec Henri Laborie. Pour en revenir à Copernic, il n'y a pas changé grand-chose. Le livre, sans dévoiler trop de choses, se termine par des coups frappés sur la cloison par les voisins, parce que la compagne est par trop bruyante pour eux. L'intrusion des autres, c'est la mort du couple, au moins. C'est-à-dire que si les autres participaient, moi je vois pas d'inconvénient. Il faudrait de la place. Bah oui, mais en général ils aiment pas ça parce que ils sont séparés par une cloison et qu'il n'en faut pas autant. Alors ça leur donne des idées, ils ne peuvent pas, ils sont inhibés dans leur action. Et s'ils deviennent agressifs contre le mur et contre les voisins qui sont de l'autre côté du mur, c'est parce qu'ils sont encore une inhibition de l'action. C'est pas une démonstration de ce que je disais les premiers jours. Que vous semble le couple ? Le couple. À brûle pour point, le couple, c'est une bonne chose ? On va pas parler d'homo ou d'hétérosexualité, on s'en fout, mais le couple. Bon. Si nous étions androgynes, dites-moi. Nous sommes tous androgynes, on essaie de nous l'expliquer, que nous sommes tous mâles et femelles, mais enfin, moi, malheureusement, je me sens plutôt mal. Et si nous étions androgynes, je pense que l'escargot ne se pose pas de problème de couple. Ou le ténia, qui, c'est formidable, un ténia, c'est chaque anneau va féconder l'anneau suivant. C'est... Ils ont trouvé la solution, il n'y a pas besoin de bordel. On le coupe en 10, ça fait 10 ténias. Et je pense que tant qu'il y a une différenciation des sexes, il y a recherche d'un couple hétérosexuel. Mais vous me dites, et homosexuel aussi, dans le sens que, on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, je vais répéter ce que j'ai dit, c'est-à-dire que le besoin de ne plus être seul dans sa peau fait qu'on cherche l'autre et qu'on se trouve toujours, on ne trouve que soi. Pourquoi ne vit-on généralement pas à deux, mais à deux copains ou deux copines ensemble? Pourquoi elle se fait en fonction de la sexualité? Robinson Crusoe, il n'a trouvé que vendredi. Pourquoi n'a-t-on pas dissocié la sexualité de la convivialité? Enfin, le couple, c'est pas seulement la sexualité. Arrêtez, Henri Laborie. Je n'ai jamais dit ça. Bon, c'est pas seulement la sexualité, c'est le plaisir, ou le déplaisir, de vivre ensemble, de ne pas vivre seul, comme on dit. Alors, pourquoi est-ce que ça ne se fait pas avec un copain ou une copine? Pourquoi ça se fait en couple, ce qu'on appelle le couple? Parce que, de temps en temps, quand on n'a plus rien à faire, la sexualité revient sur le tapis, si vous voulez, quoi. Mais enfin, on peut effectivement meubler le temps avec autre chose que la sexualité. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais on pourrait aller chercher la sexualité ailleurs que chez soi. Par exemple. Ailleurs que dans le couple. Oui. Pourquoi pas, non plus. Je pense que la notion de couple, vous savez, elle est relativement récente dans l'histoire humaine. Enfin, elle est née à partir du moment où les hommes se sont fixés au sol et où il y a la notion de propriété et de défense de cette propriété est née et qu'il ne fallait pas laisser un bâtard s'introduire dans cette propriété. Le couple est né... À cause de l'héritage. À cause de l'héritage, bien sûr. Et la transmission, justement, des biens, de la propriété. C'est une hypothèse valable. Hein. Mais je vois quand même, je les cite peut-être trop souvent d'ailleurs, mais enfin, il y a des pays où le couple est inconnu. On ne connaît pas le père, d'une part. On sait bien la femme qui accouche, mais le père, on ne le connaît pas. Et la femme en change. Et on ne sait pas si l'enfant est né d'un père ou d'un autre ou d'un autre. Alors, je crois que c'est une idée, la notion de couple, est une idée qui pourrait être, elle ne l'est pas, bon, on vit en couple, mais elle pourrait être transformée par une vie tribale qui amènerait non plus une vie de couple, mais d'un groupe humain. Et je pense que c'est encore des idées tout à fait, ça ne veut pas dire que le couple n'existe pas, ça veut dire que ce n'est peut-être pas la meilleure des choses, qu'il y a peut-être autre chose, il y a peut-être à essayer de comprendre comment il s'est organisé, comment il s'est constitué au cours des siècles. Et ne pas le dire que le couple, c'est l'essence de l'homme, encore. Enfin, que, vous voyez, c'est cette approche un peu dubitative du doute de la réalité d'un comportement en se disant, c'est celui que nous adoptons en général. Mais pourquoi? Comment c'est venu? Est-ce que ça fait partie des choses indispensables? Et je crois pas. On pourrait faire l'amour en liberté, si j'ose dire, enfin, si je vous comprends bien, et avoir un lien préférentiel avec un autre être, d'accord, je comprends très bien. Mais c'est rare quand même. C'est très rare, parce que tout de même, on a fait un certain nombre d'expériences dans ma vie. Alors il y en a une ou deux qui comptent. À partir du moment où, à la fois, ce couple dont vous parlez est cohérent avec des facettes multiples dont la sexualité fait partie, on tente de le conserver. Mais c'est pas indispensable. Et puis, il y a toute la mémoire, il y a tout ce que nous avons vécu avant. Vous ne faites pas un couple à 2 ans. Hein, quelquefois, vous le faites très tôt. C'est vrai. Avec maman. Hein? Avec maman, par avec exemple. Maman, c'est sûr. C'est l'objet gratifiant. C'est ce qui vous fait plaisir. Que pensez-vous de globalement de la psychanalyse? Là, vous m'entraînez dans un domaine qui... Il y a un psychanalyste qui... Parce que vous n'avez jamais autant cité Freud que dans Copernic. C'est possible. Faut dire c'est le livre dans lequel vous parlez le plus de caca aussi. Oui. Non, il y a un psychanalyste qui a fait longtemps partie, pendant près de 14 ans, de notre groupe, qui nous a beaucoup appris, mais qui, justement, avait cette caractéristique, c'est que, étant psychanalyste, et psychanalysé par Lacan en plus, il y a même eu, apparaît-il, je ne l'ai pas vu, mais il y a un article sur lui récemment dans l'Express, je crois, c'est Muyard. Il est sorti de sa psychanalyse et il s'est... Je ne dis pas que c'est un grand biochimiste, un grand neurophysiologiste, mais il a passé 4 ans avec nous à travailler, à lire et à se documenter sur d'autres domaines que l'analyse. Ce que je reprocherais à l'analyse, c'est pratiquement rien. Mais ce que je reprocherais aux analystes, c'est d'être des réductionnistes. C'est de ne plus voir que leur sujet préférentiel, la chose qui les gratifie, dans un langage qu'ils voudraient ésotérique et qui est en général très compréhensible quand on a décodé, quand on connaît la grammaire et la syntaxe, et qui leur donne un pouvoir. Ils ont l'impression qu'eux savent, et puis que les autres, c'est vraiment des pauvres gars. Alors, c'est ça qui me déplaît chez les analystes, mais pas la psychanalyse, ça me déplaît pas la psychanalyse. Freud lui-même a dit que, mon Dieu, ce qu'il disait était sans doute vrai, et que ça serait la biologie qui un jour en apporterait les références fondamentales. Alors, je pense qu'on peut être biochimiste, biologiste, neurophysiologiste, avoir des connaissances, ne pas pratiquer, c'est la pratique dont je parlais tout à l'heure, mais manipuler des concepts psychanalytiques. Il y a un livre que j'ai beaucoup aimé, je ne me souviens plus, qui est écrit par un psychanalyste belge qui, après 20 ans ou 25 ans de pratique, a écrit « Les illusions de la psychanalyse », qui est sorti l'année dernière, on n'a pas fait beaucoup de bruit autour, et qui démontre toute la psychanalyse, avec les références bibliographiques nombreuses, sûres, sérieuses, et il ne démontre pas tellement l'illusion de la psychanalyse, mais l'illusion des psychanalystes. Je pense qu'il faudrait qu'ils fassent eux-mêmes leur analyse, ce qui n'est pas très bien porté non plus, l'auto-analyse, il n'y a que Freud qui en autorise d'avoir fait... D'ailleurs, le personnage central, enfin c'est difficile de parler de personnage central quand il y en a deux, se sort à la fin, il y a une allégorie, là, on ne va pas tout dévoiler, on va le laisser lire. Vous pouvez lire la fin, elle est... Dans Copernic, il ah sort... Ah oui, non, vous pouvez lire la fin, elle n'est pas longue. Il se réveille seul, et il prend son bain, et il sort, il claque la porte, et sur la porte, il voit une plaque, docteur Jean Serrien, psychanalyste, sur rendez-vous. Oui. Comprenne qui pourra. En tout cas, c'est... Si, parce qu'on peut considérer ce que je veux dire. Je dis, quand oui. Je dis comprenne qui pourra, c'est pas que c'est incompréhensible, c'est que il faut le lire. Copernic n'y a pas changé grand-chose. Voilà, c'était le quatrième livre pour l'invité quotidien avec Henri Laborie. Une cinquième émission et dernière pour cette série-là. Lundi prochain, vous avez intérêt à revenir parce que au téléphone, ça le réclame instamment. Lundi prochain, le 12, de 14 à 16 heures, à bâton rompu, avec Philippe, vous serez présent pour La colombe assassinée, le dernier. Henri Laborie, merci et à bientôt, de toute évidence. C'est pas prétentieux, hein.